Chapitre 5. Un peu avant 8 heures, le lendemain, Horace quitta la tour et s'en alla vers le parc. Il était trop préoccupé pour jouir de cette lumineuse matinée, survenant heureusement après la sombre, l'orageuse journée de la veille. Quand il fut devant le logis d'Anselme, il vit la porte ouverte et le vieillard occupé à balayer l'intérieur. « J'ai un renseignement à vous demander, père Anselme, dit-il. « À votre service, marmotta le jardinier. » Laissant là son balai, il offrit une chaise au visiteur dans la petite pièce qui lui servait de cuisine et de salle à manger. Puis il resta debout, les mains appuyées au dossier d'une autre. « Vous savez qui je suis, Anselme ?»« Le cousin de mademoiselle Élisabeth, m'a appris Damien. Elle m'a dit que vous aviez l'habitude de travailler parfois à votre jardin la nuit quand la lune éclairait. » « Oui, l'été, ça me plaisait. Si vous l'avez fait, le soir où mourut la première femme de M. de Ruden, vous souvenez-vous d'avoir vu passer quelqu'un dans cette clairière ?» Les paupières plissées battirent sur les yeux troublés par l'âge. « J'ai vu passer Mademoiselle Calix, puis, plus tard, Madame la Comtesse. » Et puis, Anselme glissa un coup d'œil méfiant vers son interlocuteur. Elles avaient l'habitude de venir se promener le soir quand il y avait de la lune. « Vous ne répondez pas à ma question. Je sais qu'il est passé une autre personne. L'avez-vous reconnu ?» Le vieux parut perplexe. De son index desséché, il se gratta l'oreille. Enfin, il grommela. « Bien sûr, j'étais point aveugle. À ce moment-là, je fumais ma pipe derrière la charmille. J'ai bien vu cette grande bringue de Blanche. » Blanche, la femme de chambre ? Oui, la Blanche qui remplaçait Émilie à ce moment-là. Elle est passée un peu après Madame la Comtesse, puis 5 minutes plus tard, elle est revenue. Elle courait presque alors. J'ai trouvé ça drôle. C'est vous qui avez découvert Madame de Ruden ? Oui, au matin, en passant par là, je l'ai vue qui flottait près des nénuphars. Ça n'est pas bien profond, près de la berge. Elle aurait pu se sauver, à mon avis, si c'était pas qu'on l'a poussée et empêchée de s'échapper. Pourquoi n'avez-vous pas fait remarquer tout cela, alors ? On ne me l'a point demandé. Horace dut se retenir pour ne pas lancer quelque apostrophe bien sentie à cette face butée. Bien, mais maintenant que je vous l'ai demandé, que vous me l'avez dit, vous êtes prêt à le répéter devant des témoins s'il le faut ? Je dirai la vérité, bien sûr. C'est point par malice que j'ai point parlé, mais j'aime guère à me mêler des affaires des autres. » Horace s'en alla satisfait. Il était complètement fixé maintenant sur l'identité de la meurtrière. Sans attendre le retour d'Élisabeth, partie pour Lons-le-Saunier, il se rendit à Aigueblanche. Un quart d'heure plus tard, il revenait à Montparoux en compagnie de Willibald. Celui-ci avait dit « À 7 heures, Madame de Ruden n'est pas encore levée. Nous demanderons Blanche et tâcherons de lui faire avouer en prenant Damien comme témoin. Évidemment, nous ne pouvons pas intenter une action en justice puisqu'il y a maintenant prescription. Mais il faut que la vérité soit connue sur cette abominable chose. » Ce fut dans la bibliothèque, déserte à 7 heures, que le comte Rudengorst fit convoquer la femme de chambre. Elle entra, un peu courbée, comme les jeunes gens l'avaient vue la veille, la face ravagée, les yeux gonflés. À peine eut-elle un tressaillement quand Willibald demanda d'un ton dur « Pourquoi avez-vous tué la première femme de M. de Ruden ?» Il s'attendait à une violente dénégation. Au lieu de cela, il entendit une voix sourde qui répondait « Pour que Madame puisse épouser M. le comte qu'elle aimait. » « C'est elle qui vous y a incité ?» Cette fois, aucune réponse ne vint. Blanche mordait ses lèvres minces et détournait les yeux. « Vous ne voulez pas l'accuser ? Pourtant, quel motif vous aurait poussé à l'assassinat en dehors de l'intérêt qu'il présentait pour Madame de Combron ? Vous étiez dévoué corps et âme à celle-ci. Elle savait qu'elle pouvait tout vous demander. » Blanche se tordit les mains. Son visage était convulsé par la souffrance morale. Elle dit avec véhémence « Oui, j'aurais tout fait pour elle. Je me suis damnée. mais j'ai déjà reçu ma punition. Agathe, ma petite Agathe, et son fils, noyés au même endroit. Ma petite Agathe, c'est moi qui l'ai tuée en tuant l'autre. » Sur ce cri de désespoir, Blanche s'abattit dans un fauteuil, saisie par une crise de nerfs. Damien se précipita au dehors pour aller chercher Aglaé afin de la soigner. À peine la porte était-elle refermée sur lui qu'elle se rouvrit et M. de Rudaine parut sur le seuil. « Qu'est-ce que ces cris ?» Il s'interrompit en voyant la femme effondrée, gesticulant, et les deux jeunes gens debout devant elle. « Que signifie ?» Horace étendit la main vers Blanche. « Cette femme vient d'avouer son crime. C'est elle qui a jeté ma tante dans l'étang sous l'instigation de Madame de Combron qui voulait devenir comtesse de Rudaine. »« Vous dites ?» Monsieur de Rudaine attachait sur son neveu des yeux dilatés. « Nous avons la déclaration écrite de Mademoiselle de Rudaine, votre sœur, qui se trouvait dans le pavillon au moment du crime, vit celui-ci et garda le silence car elle haïssait, jalousait ma tante Daphné. Nous avons l'attestation d'Anselme qui vit passer cette Blanche. Tout cela, nous ne le garderons pas pour nous, mon oncle. Puisque votre femme a osé accuser Élisabeth, nous ferons connaître qui est des deux la criminelle. » « Mensonge, abominable mensonge !» bégaya M. de Rudaine. Le sang montait à son visage qui devenait presque violacé. Les cris de Blanche diminuaient. Ses yeux hagards dévisageaient M. de Rudaine. Elle murmura « J'ai tué, c'est moi qui l'ai tué, toute blonde, avec ses yeux tristes. Ma petite Agathe aussi était blonde, morte, morte !» Ce dernier mot fut un cri strident. Elle se leva, fit quelques pas, les yeux révulsés, et tomba tout d'une pièce sur le tapis. Damien et Aglaé, qui entraient, se précipitèrent vers elle et l'emportèrent à sa chambre. Monsieur de Rudaine, dont les jambes flageolaient, quitta la pièce sans regarder les deux jeunes gens. Horace et Willibald s'en allèrent à leur tour, silencieux, car cette scène les avait péniblement impressionnés. Comme le dit un peu plus tard Willibald à Élisabeth en la lui racontant, Blanche devait être obsédée depuis la mort d'Agathe par le souvenir de son crime et la persuasion que cette mort, au lieu même où avait péri Daphné, en était le châtiment. Élisabeth, le visage entre ses mains, frissonnait en répétant « Ma mère, elle a tué ma mère, cette Judith, car Blanche n'était qu'un instrument. » C'est indiscutable. Peut-être, avec son habileté coutumière, a-t-elle seulement suggéré le crime à cette femme, mais elle en est l'instigatrice. « Je comprends pourquoi elle me détestait, cherchait sournoisement à me nuire de toute façon. » J'étais la fille de celle qu'elle avait fait disparaître pour prendre sa place, et elle sentait en outre chez moi une méfiance instinctive, une hostilité à quoi se heurtait sa fausseté, sa sourde malveillance. Oui, j'ai toujours eu l'impression qu'elle était pour moi la pire ennemie. » Avec un sanglot contenu, Élisabeth ajouta « Et elle a fait aussi de mon père un ennemi pour moi. » Deux jours plus tard, eurent lieu les obsèques de Calixte de Rudaine dans la chapelle de Montparou. Comme assistant du dehors, il n'y avait que Madame de Groussel, sa fille et Willibald. Monsieur de Rudaine était là, blême, les traits tirés, singulièrement vieillis. Judith ne parut pas. Le lendemain, on devait conduire au cimetière Blanche, morte d'un transport au cerveau. Damien avait appris qu'on préparait les bagages pour que le comte et sa femme quittassent Montparou aussitôt après cette cérémonie funèbre. Dès que le cercueil de sa sœur eut été descendu dans la crypte, M. de Rudaine s'éloigna sans avoir adressé la parole à personne. Élisabeth s'attarda un instant dans la salle funéraire, priant pour sa mère, pour son aïeule. Elle revivait toutes les impressions ressenties lors des obsèques de cette dernière, l'affreuse amertume dont avait été saturée sa jeune âme, sa fuite loin de Judith, loin de son père pâle et crispé, qui pensait peut-être à ce moment-là au sourire de la vieille comtesse, enfermé avec elle dans la tombe. Une main prit celle d'Élisabeth, une voix grave, ardente, dit à son oreille « Éloignez toutes ces douloureuses pensées, mon ami. Venez, il faut maintenant aller vers la vie. » Elle regarda Willibald et il revit dans ses yeux cette fraîcheur d'aurore, cette lumière très pure d'un cœur jeune, sans ombre, où brûlait discrètement l'amour. Convoquée pour le surlendemain chez le notaire de Mademoiselle de Ruden, Élisabeth s'y rendit et prit connaissance du testament de sa tante. Elle était seule légataire, ainsi que le lui avait dit Calixte. La fortune se montait à 2 millions, lesquels recevaient une forte amputation du fait des droits à payer. Élisabeth apprit en outre que son père venait de mettre en vente Montparou. Très agitée par cette nouvelle, la jeune fille, en revenant, gagna directement Aigueblanche pour en avertir Willibald. Elle le trouva dans le salon, causant avec Abel. Dès l'entrée, elle annonça « Mon père vend Montparou et je vais l'acheter avec l'héritage de ma tante. » Surpris au premier moment, Willibald, à la réflexion, fit observer « Quoique très désireux de voir ce domaine rester dans la famille, je me demande, ma chère Élisabeth, comment vous feriez face à son entretien, car le produit des fermes n'y suffirait pas. » Elle eut un sourire malicieux. « Venez demain à Montparou, je vous le dirai, mon ami. » Un bruit de pas, de voix, arriva à ce moment aux oreilles des trois jeunes gens. Par la porte-fenêtre ouverte sur le parterre, apparurent Catherine et Horace, tous deux portant des engins de pêche. « J'ai donné une leçon à Mademoiselle Catherine, » dit en riant le jeune Anglais, « et je lui trouve beaucoup de disposition. » « Elle est capable de devenir aussi fanatique que vous, mon cher, » riposta Élisabeth. Abel glissa un coup d'œil ému vers les nouveaux arrivants. Il ne lui échappait point, non plus qu'à d'autres du reste, qu'une très spontanée, très vive sympathie rapprochait la rieuse Catherine et Horace Meldwin. Son regard amical enveloppa les deux couples heureux, s'attarda sur la physionomie détendue de Willibald. Il songea « Je l'ai vu si malheureux. Il ne disait rien, mais je savais. Il aimait Élisabeth et la fuyait. »